Monsieur Simon, rien à faire, assure-moi. Monsieur Simon, aïe aïe aïe aïe aïe, Monsieur Simon. Ça me saoule, ça va me saouler, oh. Monsieur Simon, ça me tue, ça va me tuer, oh. Monsieur Simon, aïe aïe aïe aïe aïe, Monsieur Simon. Serre-moi plus fort, Monsieur Simon. Donne-moi encore, Monsieur Simon. Il n'y a rien à faire, assure-moi. Souviens-toi, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bonbon sucré, oh. cher. En plus, la vie est délicieuse. La vie est gracieuse. na singa be.